czeka. Jeśli bardzo czegoś chcesz, nie ma na co czekać. Wszystko jest możliwe, wiem, znasz ten temat na pamięć. Ja za te trzy magiczne słowa dziękuję codziennie mojej mamie. Nieważne pochodzenie, hip-hop to mój paszport. Dojadę z nim wszędzie, nieważny kraj, nieważne miasto. My mamy plan i nie chodzimy skrótami. My mamy plan, który został spisany nutami. Peu importe que tu sois, ici ou d'ailleurs, tout le monde peut avoir la chance d'être le meilleur. Bats-toi pour tes droits et n'aie pas peur de dire ce que tu vois et ce que t'as sur le cœur. Fais de toi ce que tu veux, négro, mais fais-toi respecter pour ce que t'es et pas pour tes euros. Même si beaucoup de gens te prennent pour un zéro, il y aura toujours quelqu'un pour qui tu seras un héros. Ou tu resteras calé, que tu sois blanc, noir, vert ou bleu, tu peux danser le coupé décalé. Fais ce qu'il te plaît, demande pas s'il te plaît, pour pouvoir respirer, pour pouvoir exister. Pars à la recherche de ta légende personnelle, une fois trouvée, sois-en sûr qu'elle sera immortelle. They try to make you worry and kill the mind before the body sees the cemetery. So hurry, true college, so you can hit the streets and pick up some knowledge. Kill yourself if you think you got problems. Don't let them separate us, cause of the faces, different places. Money making from the hatred, so much pain. So we speak to the people, meet with the people. Music, use it to undo some of the evil, believe it. No matter where you're from, even if some do you wrong, just be yourself and no one else. Don't stop, keep moving on. No matter where you're from, even if some do you wrong, just be yourself and no one else. Don't stop, keep moving on. Expression survole l'Europe de part en part, du nord au sud jusqu'en Afrique. De tour vers la Pologne avec mon verre de coca. Merci pour votre hospitalité, mais je dise replique de vodka. Chier, trop triste de constater que certains se sont candidatés à se condamner derrière leurs frontières confinées comme des pauvres fascistes. Belle place assise pour ces bâtards de racistes, xénophobes et surtout ces renfrognes de fucking machistes. Dla mnie nieważne jest skąd jesteś, tylko jak odbierasz ten świat i swoje miejsce. Podejście do ludzi z różnych stron, nieważne skąd jesteś, ty podajesz dłoń. W atmosferze pełnej integracji, bez hipokryzji i szyderczej arogancji. A więc wyjdź do ludzi zamiast stać biernie z boku. Staraj się codziennie przekazywać pokój. No matter where you're from, even if some do you wrong,